إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. On commence donc le cours 16 dans le cours de آداب المشي إلى الصلاة. C'est le sharh de Sheikh Abdul Muhsin Al-Abbad sur les étiquettes de la marche vers la salat. Et wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. En fait, c'est un cours de fiqh, hein, sur le fiqh. Et donc, on est arrivé, on est toujours dans Sifatul Salah, les descriptions de la salat. Il dit wa tasunnu as-salat, wa tasunnu as-salatu 'ala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fi ghayri as-salat, wa tata'akkadu ta'akkudan kathiran 'inda dhikrihi. وفي يوم الجمعة وليلتها. Donc le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il a dit que le fait d'envoyer l'appel, la bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et donc de faire, comme on dit en arabe, as-salatu ala nabi, ça c'est quelque chose qu'on peut faire à l'extérieur de la salat aussi. C'est pas seulement dans la salat que on peut le faire. Et c'est encore plus important de le faire lorsqu'on fait le dhikr. Lorsqu'on fait le dhikr, c'est-à-dire lorsqu'on se rappelle d'Allah subhanahu wa ta'ala, et la nuit du Jumu'ah, la nuit du vendredi, comme cette nuit par exemple. Maintenant, on est dans la nuit de vendredi. Et le Cheikh Abdul Muhsin, il explique ce passage. Il dit: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أفضل القربات. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرة. وقد ورد في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة جمعها الحافظ الإسماعيل إسماعيل ابن إسحاق القاضي في كتاب أفرده لها. وقد أشار الحافظ ابن حجر في فتح الباري عند شرحه حديث كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الذي أورده البخاري في كتاب الدعوات من صحيحه إلى الجيد من هذه الأحاديث، فذكرها ثم قال: هذا الجيد من الأحاديث الواردة في ذلك، وفي الباب أحاديث كثيرة ضعيفة وواهية، وأما ما وضعه القصاص في ذلك فلا يحصى كثرة، وفي الأحاديث القوية يعني غنية عن ذلك. Donc le cheikh il explique que de faire la salat sur le prophète صلى الله عليه وسلم, c'est une des formes d'adoration les plus importantes, une des plus grandes parmi les forme de rapprochement à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire de demander à Allah la bénédiction et le salut sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est rapporté dans le hadith de Abi Huraira, rapporté par l'imam Muslim dans son sahih, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui fait la salat une fois sur moi, Allah subhanahu wa ta'ala va faire la salat 10 fois sur lui. Celui qui fait la salat sur moi une fois, Allah subhanahu wa ta'ala va faire la salat 10 fois sur lui. Donc c'est comme si hein, tu fais la salat sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu invoques la bénédiction d'Allah et la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et Allah subhanahu wa ta'ala il invoque la bénédiction et la miséricorde sur toi à son tour, et il te mentionne hein, auprès de ses anges rapprochés et ainsi de suite. Il dit waqad warada, donc il a été rapporté également dans plusieurs hadiths le mérite de la salat sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ça c'est rapporté dans de nombreux hadiths qui ont été rassemblés par Al-Hafiz Ismail ibn Ishaq al-Qadi dans un livre qu'il a écrit uniquement sur ce sujet, et il a ramené toutes les narrations qui ont été rapportées à ce sujet là et Al-Hafiz ibn Hajar dans Fath al-Bari, le charh de Sahih al-Bukhari, le volume 11 à la page 167, il rapporte dans son explication de Sahih al-Bukhari les hadiths qui parlent de la description de la salat sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que l'imam al-Bukhari a rapporté dans son livre Kitab al-Da'awat. C'est un des chapitres dans le Sahih. Et il mentionne donc les bons hadiths qui ont été rapportés à ce sujet. Puis il rapporte, il dit que ces bons hadiths, hein, ça c'est les bons hadiths qui ont été rapportés à ce sujet-là. Mais il y a dans ce chapitre d'autres hadiths, c'est-à-dire pas dans, il ne parle pas de Sahih al-Bukhari, mais dans les hadiths qui ont été rapportés à ce sujet-là en dehors hein, de Sahih al-Bukhari, il y a d'autres hadiths qui ont été rapportés sur ce sujet et qui sont faibles. Beaucoup d'entre eux sont faibles. Et en ce qui concerne les hadiths qui ont été rapportés par des raconteurs et des gens qui inventent des histoires, eh bien, ça c'est encore plus nombreux, on ne peut même pas les compter tellement il y en a d'histoires qui ont été inventées dans ce sens-là. Et il y a dans les hadiths qui sont forts et qui sont authentiques, ce qui nous fait en sorte qu'on peut se passer complètement de ces hadiths-là, ou bien de ces histoires ou de ces hadiths faibles. Et il dit ensuite le Cheikh, وتتأكد الصلاة كثيرا عند ذكره صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي. الحديث رواه الترمذي بإسناد حسن. وحديث الحسين بن علي رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البخيل الذي من ذكرت عنده فلم يصلي علي. رواه الترمذي وغيره. وفي الفتح وقال في الفتح لا يقصر عن درجة الحسن لا يقصر عن درجة الحسن. Donc ici le cheikh il explique que lorsque on fait des dua, et lorsqu'on mentionne le nom du prophète, ici en particulier, il veut dire surtout le fait de mentionner le nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, quand le nom du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est mentionné, eh bien, c'est quelque chose de encore plus important de faire d'envoyer les bénédictions de mentionner la bénédiction d'Allah sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce moment-là, en disant sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque quelqu'un mentionne le nom du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, eh bien on dit sallallahu alayhi wa sallam. Et il y a des hadiths à ce sujet. Par exemple, un hadith qui est rapporté selon Abi Huraira radiyallahu anhu, et c'est un hadith rapporté par l'imam al-Tirmidhi avec une chaîne de transmission qui est bonne. Il dit que le nez de la personne dont que le nez de la personne qui devant qui je suis mentionné hein, ou pour qui je suis mentionné, et qu'il n'envoie pas la bénédiction sur moi hein, il ne prie pas pour, il ne demande pas à Allah la bénédiction sur moi, et bien que son nez soit mis dans la poussière hein. Rahima anfu rajulin, ça c'est une expression, les Arabes disaient ça, que le nez d'un tel soit mis dans la poussière. Hein? Et ici, on voit un exemple de ça, que le nez de l'homme qui, lorsque je suis mentionné hein, devant lui ou en sa présence et il ne fait pas salat sur moi, eh bien, yani, celui-là, son nez soit traîné dans la poussière ou mis dans la poussière. C'est-à-dire qu'il soit humilié. Et également, un autre hadith rapporté selon Al-Hussein, le fils de Ali, radiallahu anhuma, qui dit que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit que la personne qui est avare, c'est celui, hein, lorsque je suis mentionné en sa présence, et il ne fait pas la salat sur moi. Hein, il ne fait pas la salat sur moi, c'est-à-dire il ne demande pas la bénédiction d'Allah sur moi. Ça, c'est rapporté par At-Tirmidhi aussi. Et dans Fath al-Bari, le volume 11 à la page 168, Ibn Hajar, Sheikh al-Hafiz Ibn Hajar, il dit que ce hadith-là n'est pas en dessous du degré de hadith qui est hasan, c'est-à-dire le hadith, il est bon, il est authentique. Il dit وتتأكد الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة لحديث أوس ابن أوس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة وفيه خلق آدم وفيه قبض وفيه النفخة وفيه الصعقة فأكثروا إلي علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة معروضة علي. الحديث رواه أبو داود ونقل الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب والترهيب وتصحيحه عن ابن خزيمة وابن حبان والحاكم والنووي والذهبي. Donc il dit que lorsque c'est le Jumu'ah, le jour de Jumu'ah, c'est quelque chose d'encore plus confirmé, que c'est quelque chose d'encore plus certain qu'on doit insister sur le fait d'envoyer la bénédiction et la miséricorde sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est rapporté dans un hadith selon Aws ibn Aws radiallahu anhu, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: parmi vos meilleurs jours, il y a le jour du vendredi, le jour de Jumu'ah. C'est dans ce jour-là que Adam a été créé. C'est ce jour-là qu'il est mort. C'est ce jour-là dans lequel on a soufflé l'âme en lui. وَفِيهِ السَّعِقَةِ يعني, c'est dans celui-là qu'il y a eu la foudre. Je ne sais pas de quelle foudre il parle ici. Il dit donc: envoyez beaucoup de bénédictions et de salat sur moi ce jour-là, car votre salat m'est présentée. Car votre salat, elle m'est présentée. C'est-à-dire les prières que vous envoyez sur moi, elles me seront présentées. Et ça, c'est rapporté par Abu Daoud. Et Cheikh Al-Albani, il l'a mentionné dans son sahih de At-Targhib wa At-Tarhib. Et également Ibn Khuzayma, il l'a authentifié. Et également, donc Ibn Khuzayma, un des imams, parmi les imams des salafs, et Ibn Hibban et Al-Hakim aussi l'ont authentifié, et ainsi que l'imam al-Nawawi ou al-Dhahabi. Donc on va s'arrêter ici, nous, pour ce cours d'aujourd'hui. On continuera